Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, dans une chaise longue, à la pêche à pied, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, voyage transclasse, histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine. Une série documentaire de Leïla Djitli, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a la honte et la fierté. La honte de la honte, mais aussi la honte comme un moteur. Il y a le désir de revanche, le sentiment d'imposture, la chance qu'on a su saisir ou la décision de fuir. Il y a des conflits de loyauté et des accents qu'on veut gommer. Alors pour commencer, les personnages. Un enfant de la DAS, un PDG d'Areva, un entraîneur et une millionnaire, une médecin de retour, une étudiante à la rue, des parents comme des ogres, des frères, des sœurs et des jeunes en foyer. Ensuite le décor, une cabane dans la forêt, la caresse des fougères, l'eau du puits, des arbres qu'on embrasse, des cours du soir, un foyer dangereux, des coups de feu, des quartiers qu'on quitte et d'autres qu'on retrouve. Aujourd'hui, premier épisode, on revient sur ses pas. Résilience et trajectoire ascendante, ou comment défier les lois de la reproduction sociale. J'ai fait des conneries chez moi, tout ça, et puis... Mais maintenant, je retrouve en foyer, quoi. Mm-hmm. Et... Ça fait un... En même temps, je suis aussi à Blandais, avec plusieurs foyers. Mm-hmm. Il y a les charniers IME et tout ça. Un centre pour les un peu... Mecs qui sont mal appris pour des autres difficultés à l'école. D'accord. Quel âge tu as aujourd'hui? Ouais, 17. 17 ans? Ouais, j'ai été aussi très énervé à ton âge, moi. Ouais. Et puis avec le temps, les choses se sont apaisées. Mmh. Et puis je me suis remis à travailler, à apprendre. Tu vois, tu dis mal appris. Oh, j'adore, c'est l'horticulture. Ben, c'est génial, ça. On plante des fraises, il y a des fraises, de la rhubarbe. Par exemple, j'ai fait du thé à la menthe, là. Ça me touche, ce que tu dis, parce que c'est comme si le jardin pour toi, c'était la forêt pour moi. Moi, la forêt me faisait beaucoup de bien. Ouais. Merci beaucoup. C'est une maison d'enfants au bout d'un chemin de terre, dans la région de Boulogne-sur-Mer. Patrick Bourdet est l'ancien PDG d'Arevamed. Il est, comme on disait autrefois, un enfant de la DAS, comme ceux de cette maison d'enfants de la Côte d'Opale, dont il est devenu le parrain et à qui il rend visite aujourd'hui. Alors là, nous arrivons dans l'une des maisons des enfants. C'est un lieu d'accueil, hein, d'enfants qui sont placés ici, qui arrivent ici par décision de justice. On est là parce que ça a un écho avec votre histoire. Bien sûr, il se trouve que j'ai vécu évidemment plusieurs années en orphelinat et puis j'ai été placé également. Ce qui est singulier maintenant quand je viens ici, comme je viens régulièrement puisque je parraine cette association, ils me connaissent et puis ils ont travaillé sur mon histoire il y a quelques temps et c'est comme ça qu'ils m'ont découvert en fait. Bonjour. Bonjour. Alors, les enfants, bonjour. Ça va? Je vous reconnais. Et donc ils ont fait travailler les enfants. J'ai été bouleversé de voir que ce récit, ce témoignage avait pu toucher et surtout donner lieu à un travail autour de ce symbole fort qui est l'habitat et la cabane et ce qu'elle a été pour moi. Bonjour. Mathéo. Et Mathéo, donc, vous connaissiez avec Mathéo? Ah oui, oui. Tu connais l'histoire de Patrick? Il a vécu dans une forêt. Il travaille dans un métier pour un remède sur le cancer. Enfin, je sais plus. Ça a marqué le fait que vous avez vécu, c'est ça, dans une forêt, donc dans une cabane comme. Oui, oui, absolument. À la sortie des 5 années d'orphelinat, j'ai vécu dans une cabane, donc dans la forêt girondine. La famille était confrontée à des difficultés financières extrêmement importantes et l'un des amis, du nouveau mari de ma mère qui nous a récupéré donc à la sortie de l'orphelinat, pouvait disposer d'une cabane de résiniers en échange, gratuitement, en échange de l'entretien de l'environnement en fait. Et donc ça nous dispensait, nous sommes allés dans cette cabane qui nous dispensait de tout frais puisqu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de loyer. Voilà, nous étions à 3 km de la lisière du bois, 6 km de l'école, et nous allions donc chaque jour à pied à l'école. Et la difficulté n'était pas liée, au caractère précaire et indigent de la situation, mais vraiment à la barbarie qui s'opérait dans le lieu, et où les gens étaient profondément malades. La violence inouïe du lieu. Évidemment, pour les devoirs, etc., c'était à la bougie, une ouverture. Il n'y avait pas de livre déjà, donc c'était un peu compliqué ça aussi. C'était l'eau au puits, donc on allait chercher l'eau au puits, on ramenait des seaux. C'était un peu la guerre d'ailleurs, parce que mon frère, ma sœur et moi, c'était un effort d'aller au puits. Il y avait une centaine de mètres sur un vallon sablonneux, et quand nous étions jeunes, ben voilà, c'était la corvée d'aller chercher de l'eau. Donc on posait les seaux à côté de la table et on trempait nos verres dedans et on écartait ce qu'il y avait en surface. Et c'était une eau avec un goût très particulier que j'ai pas oublié, ni eux sans doute d'ailleurs. Mais il y avait cette dimension matérielle. Quand je suis arrivé en fait dans cette maison, on m'a expliqué que le pigeonnier qu'on me présentait serait le lieu de vie. Donc il y avait des excréments d'oiseaux partout. Enfin, c'était vraiment... on a du mal à imaginer. Et ce lieu insalubre est devenu la maison dans laquelle nous habitions. Vous ne parlez pas de votre mère et des adultes qu'il y avait là? On dirait que vous passez comme ça. Pour faire court, ils étaient malades et ultra-violents. Les combats étaient extrêmement violents. Et j'ai pas envie, il y a des enfants là, j'ai pas... Voilà, donc les combats étaient d'une violence inouïe. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Et donc, au fil du temps, je dirais, il y a une espèce d'instinct de survie qui s'est mis à l'œuvre et qui m'a, dans la mesure du possible, éloigné le plus possible, finalement. Et j'ai commencé à prendre autant que possible et le plus tôt possible des distances, parce qu'elles étaient salvatrices. C'est triste. Aujourd'hui, tu le trouves comment? Bah... Là, il s'est bien rattrapé, il a une belle vue pour l'instant. C'est gentil. C'est gentil, Mathéo. Et ça me touche. Quand ils disent, quand ils m'ont dit, en quelque sorte, c'est bien avec toi parce qu'on sait que tu nous comprends. Et j'ai pas besoin de leur parler. Hein. On a du mal à s'imaginer votre vie au fin fond des bois dans une cabane pour aller à l'école 6 km. Au début, la peur était beaucoup présente. En particulier quand je partais le matin. Et j'ai tellement marché, d'ailleurs c'est vrai aussi pour mon frère et ma soeur, nous avons tellement marché sur cette piste que nous connaissions, mais vraiment par cœur, les cailloux, les quelques cailloux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y avait une ancienne piste goudronnée qui était utilisée pendant la guerre par les facteurs. Une toute petite piste de 30 cm de large qui était goudronnée et qui, avec le temps, s'était délabrée. Mais donc, il y avait quelques bouts de cailloux comme ça, de ciment, qu'on avait vraiment identifié, etc. Et les arbres, les animaux, la faune, la flore. Et c'est vrai qu'en partant le matin en particulier, la lumière, lorsque la saison nous permettait de traverser 2 jours... était magnifique. Et là, je me suis nourri de cette beauté-là. Vraiment, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que j'embrassais les arbres, quoi. Alors, ça peut, je sais que ça peut vraiment résonner bizarrement à certains, mais... Et puis, je les enlace, vraiment, je les enlaçais. Et, Et lorsque je suis retourné à la cabane, mais très très longtemps, bien après, j'ai reconnu les arbres. Et ils avaient vieilli et j'étais content de les retrouver. Et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai eu mon petit moment d'intimité avec un des chênes particuliers que j'aime beaucoup. Le chemin du retour était différent parce que. Le retour de l'école vers la cabane. Oui, de l'école vers la cabane parce que là, en fait, on ne savait jamais ce qui allait nous attendre, enfin, de quoi serait fait la fin de journée, on ne savait pas du tout. On savait que ce serait catastrophique, chaotique, dangereux, mais on ne savait pas sous quelle forme, à quel niveau. Et donc, la contemplation du retour était parasitée par l'appréhension. Et la montée, en fait, du stress, de la peur, bien sûr, du retour. Donc c'était un peu différent. Mais néanmoins, c'est pas par hasard si j'ai une sensibilité immense à la forêt et au silence, qui est un besoin. Ça a été... c'est étonnant parce que je mesure effectivement le chemin, mais je suis toujours fasciné par la capacité physiologique presque et du sentiment à revenir dans ces moments-là. Voilà, je sens enfin. Le niveau de stress admissible était très haut et monté progressivement. Et aujourd'hui, je sens en fait. À quel point il a fallu travailler sur cette notion de la peur, quand même, vraiment, vraiment, et de la violence qu'il y avait en moi, qui était profonde en moi. Moi, j'ai envie de savoir comment ça se passe quand on embrasse un arbre, qu'est-ce qu'il vous raconte. Mais là, ça va devenir ésotérique, mais j'en tremble. Mais ce qu'il faut recontextualiser ça au fait que. Il n'y avait pas de caresse, il n'y avait pas de contact physique. À la maison, jamais. Et cette énergie est vraisemblablement une dimension compensatrice de ça. Donc, par exemple, imaginez des fleurs de genêt, caresser le genêt dans le sens du poil, et il y a ces fleurs, et d'ailleurs le parfum est magnifique, et il y a une douceur et une délicatesse incroyables, c'est comme de jeunes fougères. La grâce et le contact est absolument magnifique. Et la mousse, ça c'est fabuleux aussi. Enfin, la douceur de la mousse. Il y a résolument, je pense, je ne sais pas du tout si ça a joué comme ça. Je n'ai pas parlé de ce chant particulier avec mon frère et ma sœur, mais pour moi, il y a une compensation de la nature qui a généré quelques désagréments aussi, parce que voilà, il y avait de la poussière. Le sable était noir. Le sable de la forêt, il est noir. Et lorsque j'arrivais à l'école, j'avais les pieds noirs. Et ça, c'était une source de honte. Mais les gens autour de nous, je ne peux pas imaginer que les gens ne perçoivent pas l'indigence autour de nous. Donc, dans mes yeux d'enfant, j'arrivais à tout cacher. Mais dans la réalité, sans doute rien. Et je ne sais pas ce qui transpirait de nous et de moi à ce moment-là. Mais je pense que pour les adultes, en tout cas, l'indigence devait, ou les tickets de cantine, c'était un bazar inouï, parce qu'on n'en avait pas toujours, machin, enfin, c'était compliqué. C'était hallucinant de voir les conditions à la cabane, quand même. C'était la lessiveuse, c'était l'eau du puits, la lessiveuse, une bassine dans une toute petite pièce, le garde-manger, il n'y avait pas de frigo, on cuisinait souvent avec du... Alors déjà, le matin, c'est parfois très, très, très froid, hein. Et donc j'allais chercher, je me revois encore fouler le sol gelé pour aller chercher quelques brindilles, pour allumer un feu avant de partir à l'école, quoi. Et j'étais donc dehors en train d'aller chercher quelques brindilles pour faire un micro-feu avant de partir. Et ou alors chauffer un petit peu de lait dans une casserole et avec des morceaux de pain qui sautent partout. Et puis on se retrouve avec l'écorce de pain dans la gamelle, puisqu'on n'appelait pas ça des casseroles, on appelait ça des gamelles. Et ça remonte. La kiki mange ici. Bonjour monsieur. Attention de ne pas te couper sur le gars. Peux le casser. Non, tu ne casses pas, tu vas couper. Pour revenir sur la honte, donc la honte d'être mal habillée, la honte d'avoir les pieds sales en arrivant à l'école, la honte de voir que vous étiez indigent, de ne pas avoir de ticket de cantine et que sais-je encore, c'est une honte que vous n'avez vécue que à l'école. C'est ce que vous ressentiez vous ou c'est ce qu'on vous faisait ressentir? Je ne suis pas certain d'être capable de distinguer finalement si c'était plutôt très personnel ou si c'était plutôt lié à ce que je percevais des autres, mais en tout cas elle était profonde et l'exemple, j'ai vraiment encore très très en moi l'exemple des pieds noirs et les jours de piscine c'était terrible parce que enlever les chaussures donc on avait mais vraiment les pieds noirs quoi, les pieds sales de poussière. Et donc, il y avait une espèce de stratégie, on mettait un bout de serviette devant les pieds jusqu'à la douche ou le pédiluve pour se planquer. Enfin, être différent, c'est pas rien, quoi, et en particulier enfant. Et dans la classe, je pense que je compensais en essayant d'être un peu le fanfaron. Enfin, vraiment, voilà, alors j'avais des résultats qui étaient ce qu'ils étaient, mais pour moi, j'ai eu beaucoup de chance quelque part parce que le sport me permettait de compenser. Et le foot en particulier. Dans la cour de récré, quand je jouais au foot, là je compensais puisque j'étais bon. Quand il y avait sport, et en particulier quand il y avait foot, là je devenais le... Là j'étais le crack. Là au foot j'étais le crack, vraiment. Et donc je pense que ça a dû être fondamental dans ma petite... Dans la construction de mon petit édifice personnel à ce moment-là. Ça me rendait... Enfin, il y a une partie de moi qui était vivante là, c'est sûr. Ça c'est sûr. Allez. Revoilà Miguel. Tu t'entraînes à écrire. C'est mon règlement. Comment? C'est mon règlement. C'est une punition. On doit écrire tout ça. On peut en avoir 20 maximum. Ou si on fait des grosses conneries, plus. Et il faut copier ça et on a 4 jours pour les faire. Sinon on a un minimum. Et c'est-à-dire qu'on mange sans sauce, sans dessert. Patrick, est-ce qu'on peut faire un baby? Est-ce qu'on peut faire un baby? Bah bien sûr qu'on peut faire un baby. Bah allez, c'est parti. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. L'histoire de Miguel, c'est un dramatique sans nom. C'est incroyable. En même temps, il a une énergie, vous avez vu cette belle énergie vitale, si belle. Est-ce que ça ressemble justement à la partie de votre histoire que vous ne vouliez pas évoquer devant eux? Ce que m'ont dit les éducateurs de son chemin, voilà, il y a l'un des parents qui disparaît de manière tragique. Et en l'occurrence, ça a été c'est son cas et ça a été le mien. Et puis, il y a donc un sentiment d'abandon qui est immense, qu'à l'époque... qui n'est pas perçu comme ça à l'époque, puisque la conscience, elle n'est pas forcément à ce niveau-là. Et puis, l'autre parent qui est défaillant, et c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, là où il est aujourd'hui, il y a un endroit, voilà, que je connais. ça émerge quand je me repositionne dans ce moment particulier. Et c'est du sang, c'est des coups de feu, c'est des coups de hache, c'est des objets qui volent, c'est la maison détruite, c'est la barbarie, hein, vraiment. Hein. C'est violence conjugale, c'est entre... Oui, entre tous, les adultes qui sont là, qu'ils soient de passage ou... Et avec quelque chose d'assez... en tout cas au début, terrible, pervers, parce que voilà, il y avait les enfants comme témoins. Donc, mais petit à petit, encore une fois, j'ai vraiment... et nous avons aussi été protégés par notre frère, hein, par mon grand frère, qui a pu s'opposer petit à petit avec le temps, donc ça nous a protégés, et puis moi aussi ensuite. Mais c'est difficile à raconter, en fait, parce que c'est difficilement imaginable, le seuil de violence, en fait. Hein. Enfin, j'ai des souvenirs terribles parce que voilà, un adulte qui à la hache fracasse une porte, c'est quand on est derrière, c'est un peu bizarre quand même. Voilà. Mais les gens étaient vraiment malades, donc il n'y a pas de cadre de référence, il n'y a rien. Y a pas... Et puis il y a une distance qui est terrible parce que le premier voisin était à 1,5 km, donc on est complètement perdu. Hein. Et puis ce qui m'a aidé aussi, c'est quelques figures à l'extérieur. Et quand je voyais les parents, par exemple, d'enfants de mon équipe de foot, je voyais de la... Enfin, je voyais de la tendresse, de l'affection, je voyais des gens qui préparaient des gâteaux pour leurs enfants, mais ça me paraissait complètement hallucinant, quoi. C'est vraiment... C'est terrible, hein ? C'est terrible. Alors, qu'est-ce que tu prépares? Raconte. Là, on prépare des vélos pour mercredi. Ce mercredi, il y a un raid sportif. Je sais pas c'est où. Il y a un paquet de vélos là. Hein. Ouais. Comment t'as atterri ici, dans l'atelier, là? Comment c'est passé? Bah, c'est parce que ça se passait un peu mal à l'école. Et du coup, l'école, ils m'ont dit d'essayer ici. Et j'ai essayé, ça me plaît. Et du coup, je suis restée. Ouais. Moi, j'aimais bien la mécanique aussi parce que j'avais l'impression de faire voilà, des choses comme ça. C'est chouette. Bravo. C'est super. Bon, à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Vous vous sentez un peu responsable de leur parcours? Oh, je dirais pas ça. Il y a simplement un désir de restituer, de rendre un peu aussi. Je mesure ce qui, ça a été vrai pour moi, alors je me dis que c'est peut-être vrai aussi pour eux, cette question de l'exemplarité. Il y a eu des modèles qui m'ont permis aussi d'avancer. Alors je me dis, si je peux incarner pour un ou deux quelque chose comme ça, bah, c'est déjà magnifique. Quoi. Le pot de résine est toujours là. Quand vous sortez de la forêt, pour ce CAP de mécanicien, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Donc à la sortie de la forêt, en quelque sorte, à la fin de cette période-là, je suis placé dans une famille d'accueil. Et cette famille d'accueil, il se trouve que c'est mon entraîneur de foot. Cet entraîneur et sa compagne qui s'appelle Sylviane. Et donc j'ai choisi, vraiment, puisque le choix m'a été donné, j'ai choisi d'aller dans cette famille d'accueil. Donc là j'ai 16 ans et je suis plus jamais reparti à la cabane, plus jamais. J'ai rejoint cette famille d'accueil et là ça a été un changement extraordinaire, hein, parce que déjà je me sentais aimé, hein, l'environnement était confortable. Enfin, c'est des anecdotes qui peuvent paraître incroyables, mais Sylviane m'a indiqué que j'avais le droit, la possibilité de me doucher. Mais de me doucher chaque jour. Et au bout d'un an, Donc effectivement, j'avais mon CAP de mécanicien auto, et au bout d'un an, un oncle a trouvé pour moi un emploi saisonnier en Normandie, d'aide-livreur saisonnier. Et j'ai rencontré une jeune femme, et j'ai commencé à cheminer tout seul. Et à la fin de cette saison-là, donc là j'ai 17 ans, je viens d'avoir 17 ans, et je décide de rester en Normandie. Et je me suis dit, puisque je reste ici, il faut absolument que je trouve un club de foot. Et donc j'ai fait un essai au club de Cherbourg, à l'AS Cherbourg. Et le dirigeant des jeunes s'est intéressé à moi en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens ?» etc., etc. Et donc, peu de temps après, il m'a aidé à avoir un boulot de nettoyeur industriel à l'arsenal de Cherbourg. Nettoyeur industriel, c'est balayeur? C'est ça, c'est balayeur, mais dans un endroit où, à la place du balai, c'est un aspirateur. Et voilà. Mais puis l'environnement, dans le nucléaire, la poussière est vraiment redoutée. Donc c'est vraiment un travail, voilà. Donc vous montez les échelons un à un, vous montez dans les salles sociales, et puis vous quittez cet emploi de balayeur, vous devenez ouvrier mécanicien à l'ex-Cogema, ce qu'on appelle aujourd'hui Areva. J'arrive sur cette usine de Lag en tant qu'ouvrier. Et j'ai beaucoup de chance d'ailleurs, puisque c'est un gros groupe, c'est un groupe puissant. Et toutes les occasions, assez tôt d'ailleurs, en rentrant dans cette société, dès que je peux, je suis des formations. Toutes les formations internes possibles et imaginables. Et vous gravissez tous les échelons ? Avec le temps, effectivement, j'évolue dans la structure. Mais au bout de quelques années, il y a une petite rupture, puisque là, je sens comme une opportunité de réaliser un vieux rêve. Je n'avais pas beaucoup de rêves enfant, mais j'en avais un en tout cas, c'était de voir l'Australie. Et donc j'ai 25 ans là, et je travaille à Cogema depuis 4 ans, et je me dis, mais peut-être que là, j'ai déjà assez, si je vends tout, j'ai assez de sous pour partir en Australie. Et puis, dans le même temps, j'apprendrai à parler anglais, parce que je sentais qu'il fallait que je parle anglais. Et donc, je prends une année sabbatique. Alors là, c'est un voyage initiatique absolument incroyable. Donc, j'ai vendu tout ce que j'avais, et je m'en vais avec mes deux sacs en Australie. Et alors, il y a une anecdote extraordinaire d'une rencontre, peu avant ce déplacement-là, avec une dame qui s'appelle Annie Thomas, et que je rencontre sur le train entre Paris et Cherbourg. Une dame très élégante qui s'adresse à moi en anglais, et qui me demande quel est le quai du train qui va à Cherbourg. Alors, dans mon anglais, qui devait être absolument inexistant à l'époque, je dis à cette dame que je vais moi-même à Cherbourg, je prends ses valises, et je l'aide à porter ses valises, et tous les deux, nous voyageons vers Cherbourg. En fait, elle était australienne, et elle me raconte mille choses, etc. Au moment où elle part, elle me donne sa carte, elle me dit « Si un jour vous venez en Australie, venez me voir ». Et donc j'arrive en Australie, je passe 9 mois effectivement sur place, et 3 mois après mon arrivée, j'arrive dans la ville d'Annie Thomas, à Adélaïde, et là j'appelle Annie, mais elle me dit « Mais où es-tu ?» Et je lui dis « Je suis à Adélaïde ». Et là elle me dit « Don't move, ne bouge pas, je viens te chercher ». Et là elle vient me chercher, et la Jaguar se gare devant l'auberge de jeunesse. Une Jaguar magnifique. Et Annie rentre dans cette auberge de jeunesse, et elle vient, elle me donne un hug, une accolade absolument magnifique. Et puis elle me dit, prends tes affaires, on s'en va, viens, hop, c'est parti. Et Annie m'emmène en fait chez elle. Et au moment où j'arrive dans cette propriété, c'est un moment extraordinaire, parce qu'il y a un bois, il y a un chemin de gravillon blanc, et la voiture circule dans ce bois et arrive devant une maison absolument incroyable sur les hauteurs d'Adélaïde. Et Annie me dit, cette partie de la maison est pour toi. C'est la partie de mon fils. Et là, je passe un mois dans un monde qui a des années-lumière du mien. Il collectionnait les voitures anciennes. Il y avait une piscine dans la maison. Il y avait un jardinier. Il y avait une dame qui faisait la cuisine. Enfin, c'était vraiment... Mais c'était à des années-lumière de l'endroit où je venais. Et j'ai passé un mois là comme un enfant de la maison. Et j'ai voulu comprendre, j'ai dit à Annie, je ne comprends pas pourquoi. Et elle me dit, il faut que tu comprennes que lorsque je t'ai vu à Paris, j'arrivais de Suisse où je venais d'être traité pour mon cancer, et j'étais dans un état de fatigue incroyable, et quand tu m'as proposé de prendre ces valises, tu m'as sauvé. Tu es le fils de la maison, tu es... Voilà. Et c'était extraordinaire cette relation, parce qu'en un mois, elle m'a appris mille choses, la tenue à table, les couverts. Elle m'a amené au casino avec des amis, elle me donnait de l'argent. Tiens Patrick, amuse-toi, elle me... Voilà, elle m'a amené faire du ski nautique avec ses bourgeois. Enfin, c'était extraordinaire. Je me dis, je peux rester là. Et en vérité, j'ai choisi de rentrer parce que j'ai eu trop peur de ne plus avoir de boulot. attention, là on a des sportifs. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Allez, garçon, je vous montre un truc, d'accord? Je vous montre un truc avec la balle, d'accord? Tu sais le faire? Bon, tiens, je vais vous montrer un truc. Je peux vous montrer un truc? Le tour du monde, on sait le faire. Attends, attends, attends, attends. Bon, on sait le faire. Ouais, vas-y, vas-y, attends, attends, attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde. Attends, je dis presque, attends, presque. Presque, bon, allez, voilà. Attends, j'essaye ma couille. La prochaine fois, je vous en montre un autre. Non, mon lien, mon lien, mon lien. Vas-y, monsieur. Ah, deux jambes. Et demain, il fait beau, il y a un singe. Ah, ah, ah, ah, ah, c'est toi le sèche. Patrick, pour revenir sur votre parcours professionnel, au retour d'Australie, vous retrouvez votre emploi comme prévu, là où vous l'avez laissé avant votre départ? Je suis reparti à Kojima. Et l'anglais m'a aidé. Et donc j'ai eu peu de temps après un nouveau poste et j'ai continué à apprendre, apprendre, apprendre. Donc après avoir fait le CNED, les cours du Greta le soir, etc. Et j'ai pu intégrer une école de commerce en parallèle de mon travail. Donc c'était quand même assez dense. Et là, Areva a fait quelque chose de très chouette aussi puisqu'ils ont accepté de financer mes études puisque les coûts pédagogiques étaient importants. Et en échange de ce financement-là, m'ont proposé trois sujets de mémoire. Et là, il y a quelque chose d'important qui se joue, puisque quand je rends mon mémoire, le premier des sept sujets innovants que je présente, que je propose, est l'extraction d'un métal rare des procédés de l'usine dans laquelle je travaille pour en faire un anticancéreux. Peu de temps après, je reçois la direction me demande de travailler à plein temps sur ce dossier-là, et je reçois un premier budget. Et c'est le début de l'aventure, d'une aventure extraordinaire, qui est l'aventure d'Areva Med. Donc vous devenez le PDG, il faut oublier de dire ça, c'est ça qu'il faut que vous me disiez. Effectivement, je deviens président directeur général d'Areva Med, avec des constructions de sites industriels aux États-Unis, en France. Un accord très important est signé avec la société Roche, qui est leader mondial des traitements anticancéreux. Et cette société continue à se développer, se développer, se développer. C'est assez merveilleux, ça. En tout cas, vous avez l'art de retourner les situations. On est loin de la cabane, quoi. Alors, voilà. Alors, ces moments particuliers-là m'ont fait mesurer l'amplitude du chemin. Mais le résultat, je ne l'imaginais pas du tout. Et puis, il y a eu un coup, quand même. Il y a eu quelque part un coup à tout ça. C'est que je n'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment une adolescence. J'ai bossé très, très tôt. Enfin, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à travailler. Tout à l'heure, quand vous parliez de votre enfance dans cette forêt, et vous parliez de moments de honte, est-ce que ça a continué parfois dans toute cette ascension? La honte, elle devait quand même exister, parce que la vérité, c'est que j'ai très peu dit d'où je venais tout au long de mon chemin. Donc il y avait quelque chose quand même de... sans doute qui relevait un petit peu de la honte. Et il m'a fallu, enfin, sur deux points en particulier, j'ai dû vraiment processer les choses, si j'ose dire, sur la confiance, parce qu'elle a été longue à venir, et sur la dimension légitime du qui je suis, finalement. Quelque part, étais-je, suis-je légitime? Cette question-là, elle était vraiment présente. Enfin, je peux le dire maintenant, parce que je le vois de manière un tout petit peu décalée. Et puis, prendre sa place... Ça a été aussi un chemin, parce que, à l'évidence, au début, j'en avais pas du tout, du tout. J'étais vraiment. Il y a eu un moment où je savais même pas ce qu'était le baccalauréat, puisque personne l'avait chez nous. Enfin, personne, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait rien. Je me suis surmobilisé à certains endroits. Et même aujourd'hui, pour l'anecdote, je continue à faire des choses et des études. Et mon épouse me dit, mais je pense que là, tu peux te détendre un peu, ça va, enfin, tu peux être cool maintenant. Ça m'a sauvé la connaissance. Bonjour. Bonjour jeune homme, ça va? Bonjour. Je sais pas trop où on s'installe. Hein. D'habitude, on est souvent en haut, alors... Il y a des rotations, mais dans le groupe, on vient de saluer, oui, bien sûr, j'en connais quelques-uns. Oui. Donc vous êtes une sorte de passeur ou que vous rendez quelque chose, que vous avez une dette? Je ne le vois pas en termes de dette, mais il y a quelque chose à l'évidence qui relève de la transmission et que je ne transmets pas du tout celui qui veut peut. Ce que je peux transmettre, c'est quelque chose qui relève du « c'est possible », voilà, de l'espérance. Voilà, je pense que c'est ça, peut-être. Tu me mets en ton casier, s'il te plaît, correctement. Vous pouvez ranger vos documents. J'ai réfléchi. Ah, bonne Boulogne pour Paris, bousculée par cette histoire hors norme et par les nombreuses questions qu'elle suscite. Mais qu'est-ce qui a vraiment sauvé Patrick Bourdet? Les rencontres, le travail, la rage de réussir ou la douceur des arbres et de la forêt? Peut-être un peu de tout ça. On continue le périple. À la gare de Lyon, on retrouve Aranja, une jeune femme de 27 ans. Elle vient à Paris pour participer à un congrès professionnel de médecins. Elle repart le jour même vers une grande ville du sud de la France. Elle s'y est installée comme généraliste depuis qu'elle a quitté la banlieue parisienne il y a quelques années. Aranja, est-ce que vous pouvez situer les moments pendant vos études qui ont marqué votre histoire personnelle et familiale? J'étais en deuxième année de médecine, si mes souvenirs sont bons, et on habitait en banlieue, dans une ville de la première couronne, et on était dans un appartement duquel on a dû partir. On est toujours 5 enfants et 2 adultes. Donc ça fait quand même une famille, une grande famille, et on a dû partir de cet appartement. Et on a été expulsés de notre logement, et on a essayé de continuer la vie comme elle était, mais bon, c'est pas vraiment une vie tout à fait normale. Donc on a été hébergés à droite à gauche, et puis on a été à l'hôtel plusieurs fois. Bon, ça a duré un certain temps. On a compris qu'on devait partir, et on a eu une expulsion locative. Donc on a suivi les parents en sachant un peu, mais sans savoir exactement. C'est pas évident de savoir exactement quel est l'enchaînement des événements qui ont fait qu'on a dû partir. Et vos parents, vous en parlez pas, j'imagine? Ils disaient pas. Mais disons que c'est... Je pense qu'ils étaient dans une posture d'essayer de maîtriser la situation. Donc dans cette posture-là, il y avait garder les informations pour faire les décisions eux-mêmes, ne pas nous angoisser, de pas qu'on pense au futur, enfin au lendemain, où est-ce qu'on va aller, etc. De donner une impression de normalité, quoi. C'est pas des événements faciles à... Bon, ça s'est passé très rapidement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'expulsion locative, elle a une date. Ouais. Et après, c'est la trêve hivernale, donc il faut partir, tout simplement. Et donc, ce qui a été caché pendant longtemps, ou en tout cas ce qui a été plus ou moins maîtrisé, géré pendant un moment, trouve un dénouement rapidement, et il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, donc, il faut partir. Et donc, ça se précipite à ce moment-là. Ça se précipite d'autant plus qu'on n'en a non plus pas parlé ni à la famille, parce que c'est une situation compliquée, et que ça veut dire s'exposer aux questions. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Comment ça se fait avec tous ces enfants? Comment vous allez faire? Etc. Donc voilà, c'est d'autant plus violent, et ça arrive d'autant plus vite que voilà, on n'a pas préparer la sortie. On n'a pas dit à la famille, voilà, ni au lycée, ni au collège, ni à personne. Voilà, c'est une situation qui est intrafamiliale et qui n'en sort pas. Et au moment de partir, il faut partir d'un coup. Je me souviens, c'est que voilà, à un moment, on ferme la porte et on claque derrière nous et il faut partir en ayant le moins d'affaires sur nous possible parce qu'on ne sait pas si on peut les stocker ou pas. Mais on suit les parents, hein, c'est vrai, c'est vraiment ça, hein, c'est incroyable à dire, mais moi j'avais eu qu'une force de décision à l'époque, sauf que je me dis bon, il faut que je continue ma scolarité, il faut que je tienne le cap là-dessus, et c'est ça aussi qui prime, donc c'est vrai que c'est venu petit à petit l'idée, le fait que je me dise bon, il faut que je trouve un hébergement pour moi. À part de la famille pour pouvoir continuer. Sinon, si on se déplace à 7 comme ça à chaque fois, ça ne sera pas possible. Vous aviez quel âge à l'époque et vous étiez en quelle classe ? Alors, donc j'étais en deuxième année de médecine, si mes souvenirs sont bons. Mais j'ai passé mon bac assez tôt, donc en deuxième année de médecine, j'avais 18 ans. Et il s'est trouvé que, bon, comme j'étais dans le système universitaire, on s'est dit peut-être qu'il y a un moyen d'avoir un hébergement. Voilà, par le CROUS ou par quelque chose comme ça qui permette de régler au moins une des situations parmi les cinq qui restaient à régler, quoi. Mais le vivre réellement, c'est-à-dire d'être vraiment parti et d'avoir soldé ses affaires, c'est-à-dire il y a certaines affaires qu'on reverra jamais parce qu'on les a soit jetées, soit données, et on se balade vraiment avec soit un petit sac ou quelque chose comme ça, ça matérialise vraiment qu'il reste plus que ça dans la main. Et donc je suis entrée au CROUS à la cité universitaire qui est dans le 12e, à côté de la gare de Lyon. Et comment on fait pour poursuivre des études aussi exigeantes que celle de médecine, et en même temps vivre cette situation sociale compliquée? Mais j'ai appliqué la stratégie familiale aussi, c'est-à-dire, non mais c'est vrai, on décidait de pas en parler, enfin ça restait vraiment du domaine de l'intime, c'était oui effectivement très cloisonné, c'était pas quelque chose de réfléchi, je pense que c'était vraiment la façon dont je percevais qu'il fallait faire les choses aussi. Se préserver pour pouvoir garder des forces et la discrétion, le fait de vivre ça en famille et de pas en parler à l'extérieur. Mais forcément, quand on est en dehors de la famille, il y a forcément un petit sentiment de honte quand on revient un peu à ce mot-là au départ. Parce que si on n'en parle pas, c'est qu'on ne veut pas s'exposer aux questions, on ne veut pas avoir à se justifier, à parler des comportements de la famille, de nos parents, de pourquoi on est arrivé là. Et voilà, et que les gens nous regardent de travers en disant oui, peut-être que vous avez quelque chose de peut-être que c'est votre faute finalement que vous êtes dans cette situation-là. Donc on n'a pas forcément envie de s'entendre dire ça. Mais après, c'est vrai que de toute façon, je me voyais déjà différente, qui est ou pas cette histoire. Enfin, j'étais dans une faculté de médecine avec des gens qui étaient la plupart des Parisiens. Les gens qui venaient de banlieue comme moi, il y en avait très très peu. Peut-être que j'avais aussi intériorisé que le fait même d'être dans la fac, c'était un peu comme une anomalie aussi déjà. Donc même sans cette histoire, je pense que je me sentais déjà un peu à part, enfin je veux pas dire en dehors, mais donc ça veut dire que là où j'habitais avant, j'en parlais jamais, de la banlieue, c'était déjà quelque chose à part. Donc en plus, s'il avait fallu dire, mais je suis banlieusarde, mais en plus, vous voyez, moi j'ai été expulsée, j'ai vécu à l'extérieur, dehors, comme ça, peut-être que j'ai l'impression que ça a aggravé mon cas, enfin que... Ils auraient pu dire, voilà, t'es peut-être pas au bon endroit si en plus t'es de la banlieue et qu'il t'est arrivé tout ça. Alors qu'en fait, vous êtes une très bonne élève dans cette faculté de médecine. Mais je sais pas si ça suffit parce que le diplôme, la mention, ça c'est bien, mais c'est écrit sur un papier. Après, quand tous les jours on va à la faculté, qu'on prend le RER, alors qu'il y en a qui habitent dans le 16e, après on voit aussi qu'on est habillé différemment, qu'on. Ben, on parle différemment aussi, tout ça c'est visible. Et après il y avait aussi les, tout ce qui était la vie extra-faculté. On est un étudiant en médecine, ça veut dire qu'on a aussi, on peut sortir le soir. Quand on est un banlieusard, on est venu à la faculté en RER, donc après il faut retourner en RER chez soi. Donc il faut commencer à regarder la montre à partir de 23h parce qu'il faut calculer le temps qu'il faut mettre à partir de l'endroit où on est pour aller jusqu'au RER et pas rater le dernier. Après on vous propose par exemple, écoute, ça te dirait, on va aller au théâtre. Oui, mais moi, je peux pas aller au théâtre. Ouais, mais pourquoi? C'est demain, on n'a rien à faire. Et on peut pas dire froidement, je peux pas aller au théâtre parce que je n'ai pas les moyens d'aller au théâtre. Ça coûte quand même, ça coûte de dire ça à des gens que vous estimez, qui vous aiment bien, etc. et qui veulent que vous alliez avec eux, vraiment, parce que probablement, si vous le proposent, c'est pas pour rien. Et que vous, quand même, c'est pas pour leur faire du mal, mais bon, quand même, vous pouvez pas y aller, quand même, pour de vrai. Donc, il y a un certain décalage, c'est évident. Et par exemple, moi, je suis invitée chez les gens qui habitent dans Paris et qui habitent des appartements. Moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui habitaient dans Paris, réellement, qui avaient leurs appartements. Et les parents avaient des appartements, déjà. Et les grands-parents aussi. Et tout le monde a toujours habité Paris. Moi, je savais pas que ça existait vraiment avant. Et quand je vais chez eux et je vois les intérieurs, je sais pas, c'est un autre monde qui s'ouvre pour moi. Et j'observe et je suis comme dans un musée, en fait. Je regarde et je me dis, je connaissais pas avant, quoi. Tout est incroyable pour vous. C'est vrai que ça fait très naïf de dire ça maintenant, mais. Et vous n'habitiez jamais personne, évidemment. Voilà, et c'est aussi ça, c'est comme ça que ça se matérialise, c'est que moi je vais chez les gens, par contre je peux pas inviter les gens chez moi. C'est trop violent, parce que c'est trop violent de percevoir, même sans qu'ils puissent le dire, mais c'est trop violent de percevoir dans leurs yeux la découverte de mon monde. Je pense qu'ils ont vu, ce que j'ai montré à ce moment-là, c'était déjà plus atténué que la banlieusarde. Mais donc ça veut dire que vous ne faisiez confiance en personne, en fait, vous n'aviez pas de lien affectif suffisamment fort, une intimité suffisamment forte avec un ami ou une amie pour vous laisser aller à dire juste qui vous étiez. Par rapport au fait qu'on avait été expulsé, non, j'ai pas, parce que c'est quand même un événement de vie qui est assez intime, quand même. Donc, j'ai pas été jusqu'à dévoiler le fait que j'avais pu vivre dehors avec ma famille. Non, ça, j'ai pas été jusque-là. C'est quand même comme on vit quelque chose ensemble. Enfin, on a vécu quelque chose ensemble et que implicitement on a gardé ce secret entre guillemets. En tout cas, on a fait en sorte de garder cette histoire entre nous et peut-être qu'on a pensé que ça nous renforcerait ou que ça nous effondrerait pas. De rester comme ça, dans le secret, en tout cas de garder cette histoire pour nous. Peut-être que j'ai reproduit après cette façon de faire, parce que je me suis dit, tiens, ça a marché, puisque finalement, effectivement, on ne s'est pas effondré. Voilà, ça marche, c'est comme ça qu'on garde la force intérieure, on ne se disperse pas, on n'en parle pas comme ça aux quatre vents, et puis c'est comme ça qu'on traverse les événements et qu'on se relève. Mais en fait, là, maintenant, j'ai remarqué que ça marche moins bien, que parfois, il faut se livrer pour pouvoir avoir des appuis, en fait. Et des soutiens. Et ça, c'est venu aussi progressivement. Mais au départ, c'était pas évident. Curieusement, la première fois qu'on s'est parlé, toutes les deux, vous m'avez dit « je suis doublement une transfuge de classe ». Oui, que mes parents, c'était un peu déjà la lutte de classe entre eux, puisque ma mère, c'est une famille très aristocratique de Madagascar, et puis mon père, c'est fils de commerçant. Donc, à Madagascar, probablement, ils ne se seraient jamais rencontrés, ce n'est pas des milieux qui se fréquentent. Donc je pense qu'ils ont franchi déjà quelque chose quand ils sont venus ici et qu'ils se sont fréquentés. Ils ont franchi une ligne, je pense, déjà. Et ensuite, la première ligne que moi aussi j'ai franchi, c'est le périphérique, en fait. Puisque quand on est banlieusard et qu'on va faire ses études à Paris, tous les autres vous regardent comme ça et tu seras de l'autre côté, tu seras avec eux, avec les Parisiens. Et après, quand vous arrivez de l'autre côté et que parmi les Parisiens, vous êtes la fille qui vient de l'autre côté, voilà, vous savez plus très bien où est-ce que vous êtes. Après, maintenant que j'ai terminé mes études, je vois que je fais un espèce de mouvement inverse. C'est-à-dire que maintenant, je travaille dans un quartier populaire et je vois que je ne correspond pas aux médecins généralistes habituels, installés, qui travaillent en libéral. Et j'ai l'impression d'avoir retraversé dans un autre sens pour redescendre, en fait, presque, puisque les médecins généralistes, maintenant, c'est des nantis, en fait. Et je vois que je fais différemment. Enfin, en ayant choisi médecine, j'étais sur une voie ascendante. Les parents espèrent que vous allez devenir un médecin encore meilleur que les médecins français, que vous allez les dépasser et que vous allez peut-être faire de la recherche même, avoir plusieurs doctorats et que c'est comme ça, vous êtes propulsé vers quelque chose un rêve très très ambitieux, comme une espèce de revanche sociale en fait. Et finalement, dans cette trajectoire très ascendante, et ben finalement, je me suis dit mais non, et moi je veux faire de la médecine générale. Et puis en plus, je vais faire de la médecine générale, pas à Paris, je vais aller en province. Et puis après, quand je suis allée en province, j'aimerais bien aller travailler dans un quartier populaire. Alors, voilà, donc on redescend encore un petit peu. Et puis dans le quartier populaire, il y a aussi des demandeurs d'asile, et puis il y a aussi des gens qui vont pas très bien. Voilà, donc je me retrouve à faire de la médecine générale qui est pas dans la lumière, dans la marge un petit peu. D'où vient ce choix d'ailleurs? C'est un choix de, par conflit de loyauté? Ben, je pense que je suis encore en train de me poser la question parce que je me suis toujours dit, quand j'habitais en banlieue, je me suis toujours dit, mais on peut pas rester là, on va pas rester là toute notre vie, on peut pas rester ici et travailler ici, avoir des enfants ici, c'est pas possible. Moi, j'avais des amis quand j'étais à l'école primaire, on avait des copines, mais elles avaient fini par être au supermarché à côté, dans le quartier. Et après, on les a vues enceintes. Et après, elles ont eu leur bébé et elles sont restées dans le quartier. Et on s'est dit, mais non, mais on va pas rester encore là. C'est sûr que si on a des enfants là et qu'on travaille là, c'est terminé. On va s'enraciner ici, on ne pourra jamais bouger. Et c'est sûr que la médecine, ça donnait ce tremplin-là. Ça permettait de réaliser quelque chose et aussi de partir du quartier. Et maintenant, je me rends compte que je suis médecin généraliste, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu revenir dans un quartier là où je me suis toujours dit, mais je vais pas travailler ici. Je reviens là parmi ces gens, où j'ai toujours grandi là. On les voyait déjà, les personnes âgées, les vieux maghrébins, ils étaient déjà là quand moi j'étais dans les cités. Et aujourd'hui, ils viennent au cabinet médical. Et finalement, je me pose la question, pourquoi je reviens là? Je les vois, je les connais, je sais qu'ils vont faire ils doivent marcher très loin pour aller au supermarché parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils ont des cabas, ils vont revenir, comme je les ai vus revenir aussi quand j'étais petite et que nous aussi on allait à l'épicerie, au supermarché, on revenait. Et finalement, je me dis, forcément, il y a quelque chose qui me rapproche d'eux, je dois leur ressembler ou parce que j'ai envie de les soigner et que c'est là et pas ailleurs que j'ai envie de travailler. Caught the road that tugs you down. If you walk in comatose, obliged to call to follow the crowd. Well, long live all those lies you tell yourself. You'll be all right. And there's no kiss goodbye, only the air and only the night. Merci à Aranja, à Patrick Bourdet, à Emmanuel Paris et aux enfants de la maison de la Côte d'Opale. Prise de son, Hélène Langlois, Yves Le Horse et Julien Douminc. Merci à Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Résilience et trajectoire ascendante, ou comment défier les lois de la reproduction sociale. Un documentaire de Leïla Djitli, réalisé par Vincent Deck. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui.